Dansez sur moi, dansez sur moi, le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie. La voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Tel un tapis, tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Hé hé hé, ça y est. Dansez sur moi le soir de mes funérailles. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un chant de cygne s'est éteint, mais un autre a cassé l'œuf. Sous un saphir, en vrai saphir, miroir de mon sillon neuf. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi.